consoler comme l'on veut, en s'enivrant et en faisant la fête. Mais l'on ne pourra jamais tout oublier, tout le bien, tout le mal de ce qui est du passé. L'on peut toujours se consoler comme l'on veut, se voiler la face, rejeter toute la vérité, refuser de voir ce qui est de mauvais en nous. Pour mauvaise conscience, l'on ne peut tout oublier, l'on ne peut vraiment pas oublier les beaux jours heureux du temps présent. L'on ne peut vraiment pas oublier les beaux jours heureux du temps passé. Un grand malheur ne s'efface jamais, reste toujours une plaie, une cicatrice qui se referme, mais qui reste toujours marquée, afin que l'on ne puisse jamais vraiment l'oublier. Tout être cher que l'on a beaucoup aimé, amour perdu que l'on ne reverra jamais. Même si tout cela, l'on peut le surmonter, l'on ne peut jamais, jamais tout oublier, l'on ne peut vraiment pas oublier les beaux jours heureux du temps présent, l'on ne peut jamais vraiment oublier les beaux jours heureux du temps passé. Si nous avons de la chance de n'avoir aucun problème, aucun souci, aucune maladie, l'on ne peut oublier toute l'actualité. À travers le monde, séismes, conflits et tsunamis, pour ces milliers de gens qui subissent tout ça, qui avec force et courage se battent pas à pas, malgré l'accalmie, les aides, les amis, ils ne pourront jamais, n'ont jamais rien oublié. L'on ne peut vraiment pas oublier les beaux jours heureux du temps présent. L'on ne peut vraiment pas oublier les beaux jours heureux du temps passé. L'on ne peut vraiment pas oublier les beaux jours heureux du présent, du passé. L'on ne doit jamais, jamais oublier tous ces gens cités dans le dernier couplet. Non, jamais.